Franchement, David, il y a des affaires par rapport au NORAD, puis il y a des traités qui ont été signés, puis tout. C'est comme je te dis, Trump, là, il fait juste passer. Il y a des affaires qui n'ont pas le pouvoir. OK? Le NORAD, puis de la façon que c'est fait, puis tout. De toute façon, les Américains, ils ont intérêt à nous protéger. Voyons, les Russes sont droits en haut. Tu sais, à un moment donné, là, quand je te dis, on rit du monde, là. Des fois, le monde me trouve un petit peu sec, il me trouve un petit peu. Ben oui, mais c'est tellement décourageant. T'sais, on est tout le temps en train de débattre de c'est pas, c'est même pas ça, là. Trump, là, il a pas le pouvoir, lui, de tout défaire ça, là. Non, non, mais je dis pas. L'OTAN, c'est gros. Les Américains ils ont besoin de l'OTAN pour leur économie parce qu'ils produisent de l'armement. T'sais, c'est tout un jeu. Je veux dire, c'est pour ça que je te dis, trois quarts, c'est du bluff. Les Américains, puis nous autres, on est pas pour rester dans la masse, puis tu sais, qu'est-ce qu'on veut faire partie, là, nous autres? Est-ce qu'on veut être la madame qui bat le tapis avec une patente pour battre les tapis, ou on veut connaître ce qui se passe pour vrai, dans le sens comme des vrais initiés? Oui, C'est ben. quoi qui se passe pour vrai? Dans le sens, l'affaire, c'est pas initier des sociétés initiatiques puis de secrets occultes. C'est d'avoir la vue puis de voir ce qui se passe pour vrai. Puis pour ça prend une formation. D'une certaine façon, je veux dire, si on comprend pas la politique, comment ça a tout le temps marché, puis comment que les masses, comment, c'est quoi l'art de gérer les masses? C'est une science, ça. Je veux dire, pourquoi il y a tout le temps eu du monde? Penses-tu que la Médicis allait voir un Nostradamus pour des affaires d'astrologie, dans le fond? Pourquoi Élisabeth Tudor allait consulter John Dee? C'est quoi les vrais secrets occultes? C'est politique. C'est lié. Pourquoi qu'il y a des sociétés secrètes, c'est ça? Ben oui, mais il y a des affaires d'intrigue par rapport à ça, que c'est du concret. On n'est pas dans des affaires de secrets ésotériques. On est dans des affaires de réseau. Puis c'est tout de même. Tout est fait de même. Ça s'appelle, dans le fond, c'est du clientélisme. C'est vieux comme le monde. Mais ça a tout le temps été le même. Avant, c'est comme les fils de seigneur, il y avait un précepteur, puis il se faisait enseigner les bases de tout ça. Mais aujourd'hui, c'est encore plus élitiste que ça. C'est des affaires occultées, que même quand tu veux faire des recherches dessus, même si t'es un érudit, même si t'as de l'argent, même si à un moment donné, tu vas. C'est des affaires, ça prend une capacité, il faut quasiment être comme un ordinateur. Je veux dire, il faut que tu le craques, le système, à un moment donné, parce que c'est du carton-pâte. Donc, Trump, c'est la petite bourgeoisie qu'on pourrait appeler, aujourd'hui, c'est l'équivalent de ce qu'on appellerait de la petite bourgeoisie qui est devenue de la noblesse d'épée. Donc, Trump, c'est un exécutant. C'est une créature politique. Je veux dire, il c'est pas. T'sais, si Trump, si on le regarde, là. Comme, bon, il y a plein d'affaires qui marchent pas. Là. Premièrement, il vient d'une famille de démocrates. C'est des démocrates de New York. Il a financé le Parti des démocrates. Il a appuyé la campagne de Bill Clinton. Puis là, tout d'un coup, tout se revire d'abord. Puis là, tout d'un coup, là, non. Écoute. Ben, c'est du monde qui joue des rôles. Si tu veux mener les masses, faut que tu aies un écran, si tu veux. Faut qu'il se passe de quoi? Faut que tu aies un narratif. Tu as des antagonistes, tu as des protagonistes, puis là, le monde, il se place d'un bord ou de l'autre. Fait que ça prend des Musk, ça prend des Trump, c'est des personnages qui polarisent, puis qui captent. C'est ça le but, le seul but, c'est de capter, parce que la masse, faut qu'elle regarde dans une direction ou une autre. Ouais, mais c'est ça, ça capte. Mais Le, pour ce pendant qui est qu'on est de. là, à comme juste Elon Musk, je veux dire ça aussi, tu sais, le jeune premier qui était dans la vingtaine, puis des reportages, puis le génie, puis regarde sa filiation, c'est le fils de qui, puis tout. C'est comme Bill Gates, oh, c'est un génie qui est sorti de nulle part. Ben oui, mais regarde sa famille, puis bien d'où, c'est des fabrications. C'est-à-dire que c'est comme dans le temps, admettons que toi, t'as une famille puissante. Dans le texte, c'était des duchés, puis des affaires de même, puis des petites guerres, puis tout. Puis là, toi, t'es un fils, ben c'est sûr que tu vas vouloir le mettre de l'avant politiquement, tu vas y acheter des titres, tu vas le marier avec la princesse de telle place, tu sais, pour avoir un poids politique, puis avoir l'appui de la famille de l'autre. Ben, c'est ça qu'ils font encore. C'est juste que là, à la place, acheter des titres pour ton fils ou des affaires de même, c'est le mettre en position, puis là, y faire tout. Une propagande médiatique autour, une construction publicitaire pour dire c'est le nouveau jeune premier, c'est un génie, il va révolutionner l'avenir. mais c'est tout de la merde. Tu sais, Bill Gates, c'est pas un génie, Elon Musk non plus, là. Ben, en tout cas, Elon Musk a réussi quelque chose que la NASA n'a pas réussi à faire avec SpaceX, c'est-à-dire qu'il a réussi à envoyer une fusée dans l'espace réutilisable à un budget, à un coût nettement moins élevé ce qu'a fait la NASA par le passé. C'est pas la NASA, cette technologie-là. Qu'est-ce qu'on en sait? Dans le fond, ils sont en train de rendre public ce qui était des agentures étatiques. Puis Musk, qui sert à ça. On s'en va vers le spatial privé de plus en plus, puis c'est voulu, ça. Ça fait Oui, mais partie le d'un point en plan termes, de. il a quand même fait un accomplissement. Là, c'est sûr, j'ai pas les chiffres par cœur, mais si pour faire une C'est-tu vraiment fusée, lui? ben c'est pas lui personnellement, mais il a C'est-tu réussi. Zuckerberg vraiment qui a créé Facebook? L'histoire, là, avec les deux jumeaux, puis. À un moment donné, là, il va falloir comprendre que Internet, c'est créé par l'armée américaine. Que Facebook, c'est des idées de comme genre de la CIA, ça. Oui, Pour pour ficher le ficher des monde. gens à Puis c'est pareil, l'international. Elon Musk. Je veux dire, scan arrière, c'est des. Moi, on le voit de plus en plus, tu as des technologies, c'est clairement développé par des affaires, c'est militaire dans le fond, mais c'est des compagnies privées qui servent à le rendre public. Des fois, ils ont 30 ans d'avance. Puis là, tranquillement, c'est des compagnies publiques qui vont le rendre dans le public. C'est pareil, la NASA, avec les composites de l'espace, puis tout, là, ça a été rendu d'un soulier Nike. Puis c'est pareil comme quand à Hollywood, tu vois des jets dans un film. Tu peux être sûr qu'il y a un agenda qui, je veux dire, c'est pas gratis, ça, là. Si l'armée a dépense de l'argent, mettre un jet dans un film, c'est parce qu'il y a des raisons. C'est une machine de guerre. C'est des guerres d'image, je veux dire. Non, non, Moi, j'y mais crois pas, Elon Musk. c'est ça, mais lui, son mythe qu'il véhicule, c'est qu'il se compare à Stark, le personnage Iron Man dans les Marvel, là, dans les bandes dessinées. Donc, Stark, c'est le personnage qui est très riche, qui a Tu plusieurs millions de vois-tu, dollars. David, comment ce monde-là, c'est pas ce qu'ils disent? Regarde les référents de ce gars-là. C'est des bandes dessinées, c'est référent, David. Oui, mais ça fait appel à la culture populaire, puis par rapport à ça, il peut mystifier les gens, puis pendant ce temps-là, ben Oui, son mais il action mystifiera Tesla pas. augmente en valeur fulgurante depuis les dernières semaines. Ben oui, parce que justement, c'est une guerre qui est liée à les valeurs. Regarde ce qui se passe dès que Trump, c'est officiel qu'il était rentré, tu as vu l'or monter, puis dessus, tu as des mouvements. C'est sûr qu'il y a du monde qui regarde ça, puis ils le savent. Puis là, ils jouent. Mais quand tu le sais d'avance, en plus, qu'est-ce que tu vas faire, qu'est-ce que ta clique va faire, qu'est-ce que ton clown va faire, c'est sûr que tu peux jouer d'avance. Ceux qui sont dans le secret des dieux. Moi, c'est sûr que quand je te parle d'eux, je suis pas naïf dans le sens que le mythe qui est véhiculé par le marketing médiatique à l'égard de leur personne, je regarde ça avec un recul critique. Par contre, ce que je dois reconnaître, c'est que ces gens-là, ils ont une influence au niveau international qui doit être prise en considération. Oh oui. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ceux qui ont de l'influence encore plus, puis qu'on ne sait pas. Au point que c'est eux autres qui décident si Musk, il s'en va, il prend telle direction ou pas. C'est ceux qui ont des commanditaires quelque part, je veux dire. On n'est pas dans. C'est qui, là, qui est supposé être l'homme le plus riche du monde? Je pense que c'est lui, Elon Musk. En tout Ou cas, c'est l'un Jeff des plus Bezos. riches, là, ou Bill Gates. C'est n'importe quoi, David. Parce qu'il y a du monde qui ont tellement d'argent, puis ça fait des générations qu'il n'y a plus personne qui calcule ce qu'ils ont. Des familles bien plus vieilles, bien plus puissantes, je veux dire. Eux autres, leur force, c'est qu'ils sont pas là. Je veux dire, on parle pas d'eux autres. C'est sûr qu'ils sont pas d'infortune les plus hautes, il n'y a personne qui compte leur argent. Je veux dire, il n'y a personne qui va me faire accroire qu'Elon Musk est plus riche que les Windsor. Ou qu'il est. Tu sais, je veux dire, c'est n'importe quoi. On fait vraiment rire de nous autres, là. Oui. Tu sais, tous les banquiers qui se sont achetés des titres de noblesse, puis dans le temps, puis sont encore là. Ils ont même pas besoin d'argent. C'est eux autres qui décident la valeur qu'elle a, puis on l'imprime où, puis quand, puis comment. Puis c'est quoi qui a de la valeur ou pas? Je veux dire, c'est plus que d'être riche, ça.